L'équipage nu, par Maurice Larouy. Arpentant la dunette du trois-mâts anémone qui voguait péniblement dans le Pacifique austral, le capitaine Fourgue vouait aux 500 000 diables les divinités protectrices ou ennemies du marin, Neptune, Éole, Apollon. Non point qu'il les connût personnellement. Sa culture classique était plus brève que son expérience maritime. Après avoir affronté de terribles tempêtes au sud du Cap Horn, l'anémone, qui transportait un chargement de charbon du Havre à la Nouvelle-Calédonie, avait rencontré des vents d'ouest persistants, une houle énorme, un ciel bas. Fourgue ignorait quand il arriverait. Sa colère jetait dans la brise de truculents anathèmes. Il s'arrêta brusquement. Ne supposons point que les jurons lui manquassent. Mais sa pipe venait de s'éteindre. Il résuma, pour son usage personnel et sans blasphème, la situation. Voilà 3 mois qu'on est parti. Sans cette saleté de brise du nord-ouest, nous serions rendus. Que la peste m'étouffe, si je sais quand on touchera Nouméa. Et cette trosse de soleil qui se cache depuis 15 jours. Pas moyen de faire le point. Dieu merci, j'ai de l'eau et du biscuit pour 1 an, sans quoi mes 50 lascars claqueraient du bec, pour peu qu'on dérive vers le pôle sud. Et au moins nous avons du charbon pour bourrer nos poils contre ce foie de rasoir. Bon Dieu de bois, ce qu'on peut geler !» Fourgue essuya ses paupières, ses sourcils mouillés, et d'un regard là, tenta de percer la grisaille universelle. Mais son étroit horizon ne lui apprit pas s'il était ici, là ou ailleurs. Malgré ses voiles bien gonflées, l'anémone, cap au sud-est, roulait bord sur bord au gré de la houle. Sur le pont, ennuyés, grignotant une croûte de biscuit, passant d'une joue à l'autre leur chic sans sucre, 50 matelots faisaient les 100 pas. Par petits groupes, ils ne disaient rien, attendant les rares ordres du capitaine, écoutant son soliloque furieux, rêvant aux ripailles anciennes du Havre, aux bombances nébuleuses de Nouméa. Tout sentait l'engourdissement. C'était l'ennui, la pluie, le vide. « Commandant !» appela le timonier. « Eh bien quoi ?» bougonna Fourgue, au lieu de causer, tâche à tenir les huniers pleins. « Commandant, je crois voir un bateau par tribord. »« Tu as la berlue, il n'y a rien. » Mais Fourgue vissa dans la direction montrée ses prunelles qui savaient bien voir. Il chercha longtemps. Quelques fantômes sans doute sembla prendre corps de la pulvérisation des gouttes. « Par tous les tonnerres !» hurla Fourgue. « C'est un baleinier. Allons la raisonner. » Il bondit sur le gouvernail, écarta le timonier. Laisse-moi la manœuvre et prépare les signaux. Hisse notre nom et demande-lui le sien. » Puis d'une voix de stentore qui déchira la pluie. « Au poste de manœuvre, les gars. Part à virer, vent devant, aborder la brigantine. Laisse tomber les phoques !» Silencieux à l'ordre du maître et d'un rude maître, l'équipage accomplit toute chose avec la précision des hommes qui savent leur métier et sentent qu'un artiste exécute la fine manœuvre. On entendit que le gémissement des cordages sur les taquets de bois, le grincement des vergues oscillant autour des mâts. Docile, l'anémone vira, hésita un instant, à peine quelques secondes, à franchir le vent, et toute voile hissée à nouveau, bien étarquée et bordée, s'inclina d'abord à mur, son fin beaupré pointant vers le baleinier qui devenait réel. En peu d'instants, le nouveau venu émergea des choses troubles comme une image qui se met au point. Fourgue serrait le vent pour le héler. « Mais qu'est-ce qu'il fiche, cet idiot, avec ses vergues de guingois et pas une voix lissée ?»« Et pourquoi ne répond-il pas aux signaux ?»« Dire qu'il y a des crétins comme ça qui se mêlent de trimballer leur viande sur l'eau. »« Commandant, je ne vois personne sur le pont, » observa le timonier. « Tu as un mordu raison. Alors ce serait un navire abandonné. Ça m'étonnerait de le voir faire l'homme sous. Mais ça ne m'a pas l'air catholique. Par une mer pareille, il y a 500 lieues de tout. » Un équipage ne lâche pas son rafio. Aussitôt, il lança l'ordre. Amenez le canot, maître d'équipage, prenez le commandement. Je vais à bord du bateau. Mettez l'anémone en panne. Dégringolant dans sa cabine, il prit 8 revolvers dans le coffre-fort. Fourgue était trop vieux renard pour accoster sans armes le plus innocent des navires. Puis il sauta dans le canot, distribua cartouches et armes aux 7 matelots. Soyez prêts à vous en servir. Il renifle mauvais. Ce bateau, tout est en ordre et sans personne sur le pont. Fourgue animait ses 7 hommes. Le vent glacial fouettait les embruns. Le canot n'avançait guère sur les énormes rouleaux. « Souquez, les gars, ça vous réchauffera !» Et puis, vous savez, bateau trouvé, bateau gardé. S'il n'y a personne dans cette ourque, ça nous fera un joli magot à partager. Arrache, arrache !» Enfin, le canot accosta le baleinier. Plus vif qu'un écureuil, fourgueux à pas le plat-bord, sauta sur le pont. « Amarrez le canot » ordonna-t-il, « et grimpez, les revolvers au cran de tir !» Le pont du baleinier était vide. Pourtant, cela ne sentait point l'inhabité, l'abandon. Une manière d'odeur, émanation de sueur ou d'haleine, semblait filtrer du poste d'équipage. Fourgues furetaient de l'avant à l'arrière. « Personne !» constata-t-il enfin. « Entrons au poste d'équipage !» Et il se dirigea vers le panneau. « Par exemple, » cria-t-il, « elle est un peu roide, le panneau fermé et il tient par dedans. » L'effort des 8 hommes ne réussit pas à arracher la porte de bois. On sentait un verrou qui tenait à l'intérieur. « Je savais bien qu'il y avait quelqu'un. Faisons sauter le panneau, des masses, des espars, hardi garçon !» L'on fit levier, la charnière sauta, le verrou sortit. Fourgue mit le pied sur la première marche de l'échelle. « Ça sent l'homme, et l'homme qui sent mauvais, » dit-il. « Descendez derrière moi, revolver braqué. » Il arriva dans le poste. Aucun être humain ne semblait y vivre, mais 12 hamacs, suspendus au plafond, suivaient les balancements du roulis. Sous la lueur des hublots, des polis, on devinait que chacun de ces hamacs était plein et contenait un corps. Les bosses de la tête, des hanches et des pieds, boursouflaient l'étoile. Prudemment, Fourgue et ses compagnons les visitèrent, prêts à y trouver on ne sait quoi. Dans le creux de chaque hamac, ils virent un homme vivant et complètement nu. « Ça !» cria Fourgue. « Nous pourrons le jurer sous serment, on ne nous croira jamais. Allons, housse les rossards, hors de vos toiles !» Qui m'a fichu des Saint-Jean-Baptiste qui se fourrent dans des hamacs pendant que leur rafio danse la prétentaine pour caramboler des braves marins ?» À grand coup de poing, lui et ses satellites vidèrent les hamacs. 12 hommes émaciés, vacillants, la peau froide comme métal, s'accrochèrent à leurs épaules. « Parole !» gronda Fourgue. « Un jour de plus, il ne restait qu'à les jeter à l'eau. Il faut ressusciter ces lazards. Holà, mes garçons, tirez vos gourdes de rhum et humectez-moi ça. S'il le faut, ouvrez leurs mâchoires avec vos couteaux. Ils ne peuvent plus desserrer le bec. » Péniblement, les premières goulets filtrèrent par les interstices des dents rivées. Et puis de la chaleur parut aux pommettes, de la lumière aux yeux, et tous demandèrent, chevrotant, « Nous mourons de froid, couvrez-nous. »« Et avec quoi voulez-vous que je vous couvre ?» explosa Fourgue. « En voilà des clampins. Où sont-elles vos fringues, vos couvertures? Allons, dites où est le magasin. Il n'y a rien à bord. » Et là, faudrait voir à ne pas se payer la tête de Fourgue. Depuis quand un baleinier se balade-t-il dans les mers australes, sans barda ni rien du tout? Il n'y a rien à bord, reprirent les hommes. Rien à manger, rien à boire, rien pour se chauffer, rien pour se couvrir, rien. Les mots manquèrent à Fourgue. Certains degrés de stupeur dépassent tout répertoire. Mais la miséricorde des marins triompha de sa colère et se tourna vers ses matelots. « Laissez-moi ici, les gars. Retournez à l'anémone. Rapportez de la boustifaille, du 3-6, du rouge, et de quoi leur donner figure de chrétien. Faites vite !» Restés seuls, les poings derrière le dos, et parcourant le poste, ils bousculaient les 12 hommes nus, qui lentement vidaient les gourdes de rhum, se frictionnaient de la tête aux pieds avec l'alcool réchauffant. « Maintenant, à nous 13, déclara Fourgue, « racontez-moi votre boniment, et pas d'histoire. Quel est celui qui commande cet équipage de viande congelée ?» Un homme se leva que Fourgue secoua aux épaules. L'homme retomba. « Reste où tu es !» reprit Fourgue. « Dévite ton filin !»« Comment t'y as-tu pris pour mettre ton bateau à l'assistance publique ?»« Eh bien, capitaine, nous avons joué nos vêtements et nous avons tout perdu. »« Qu'est-ce que c'est que ces âneries? Vous avez joué vos fringues ?»« Oui, il y a 2 mois, avant de partir de... » L'homme hésita, chercha du regard ses compagnons. Les doigts de Fourgue frétillèrent dans sa barbe. « De Tahiti, » suggéra l'un des hommes nus. « Oui, » reprit l'orateur, « de Tahiti. La veille du départ, l'équipage d'un bateau américain était venu nous rendre visite en bonne amitié. On a bien bu, puis on a joué aux cartes. Tout notre argent y a passé. Pour nous rattraper, nous avons misé nos vêtements de laine et puis nos bottes, et puis tout le magasin. Nous étions un peu sous. « Tu veux dire que vous étiez noir ?» gronda Fourgue. « Vous mériteriez 100 coups de garcette. Que voulez-vous, commandant? Nous devions naviguer sous les tropiques, jusqu'aux îles Samoa. On n'avait pas peur d'y avoir froid. Chacun n'a gardé que le vêtement de toile qu'il avait sur le dos, et on est parti comme ça. Ça m'a l'air d'être une belle bourde. Tu ne vas pas me dire qu'ici c'est le chemin d'Hawaï? Nous en sommes à 1000 milles. Nous avons été poussés par la tempête. Nous ne savons pas où nous sommes. Chérie, tu n'avais qu'à mettre le cap à l'ouest. C'est pas les îles qui manquent là-haut. Et puis que sont devenus vos vêtements de toile? Ils se sont déchirés pendant la tempête. Voilà un mois que nous sommes tombés dans les mers glacées. Tous les jours, on grelottait davantage. On ne pouvait plus rester sur le pont. Alors, pour avoir moins froid, nous sommes rentrés dans le poste en bouchant tous les panneaux. Nous avons mangé et bu tant qu'il en est resté. Depuis 2 jours, la cambuse est vide. Alors nous sommes couchés et on attendait. Et vous n'avez pas songé à tirer au sort? Bougonna Fourgue, sur le radeau de la Méduse, ils ont bouloté comme ça. On y a pensé, mais on était trop faible. On n'aurait pas pu mordre la viande. On préférait crever. Apitoyé, Fourgue ne voulut point montrer la grosse larme qui perlait à ce compte de moribond. Il n'en croyait pas un mot. L'homme qui se disait commandant avait, à chaque parole, consulté du regard ses camarades. Fourgue pensa que c'était un équipage ribolté, qui avait jeté par-dessus bord commandant et maîtrise, et qui, incapable de conduire la barque, était parti dans la dérive infinie jusqu'à la rencontre de la banquise qui le fracassait. « J'en aurai le cœur net, » grogna-t-il. « Voilà le canot qui revient. On va vous gaver et vous habiller. Que ferez-vous de nous ?» hasarda l'homme. « Tais ton bec. Ce bateau m'appartient. Je vais rester à bord avec quelques-uns de mes gars. Dès que vous aurez des muscles entre la peau et les os, je vous jure, mes petits anges, que je vous ferai grimper dans la mâture et tirer sur les ficelles, ne fût-ce que pour vous réchauffer. » Les 12 hommes engloutirent le biscuit et le vin, tandis que les matelots de l'anémone, brusques mais joviaux, recouvraient de laine leurs membres raides. « Ce n'est pas tout ça, » dit Fourgue. « Maintenant qu'ils sont raboudés, il s'agit de faire route jusqu'à... » Tous les yeux se levèrent, pleins d'interrogations. « Jusqu'où il me plaira ?» rattrapa Fourgue. « Ça ne vous regarde pas, mes fistons. Qu'on aille me chercher sur l'anémone des vivres pour un mois, et aussitôt paraît qu'elle me suive. Vous resterez avec moi, vous 7. Dites au maître d'équipage que je lui confie l'anémone, et qu'il ne s'avise pas de me perdre. » Sur la passerelle du baleinier, 20 jours plus tard, Fourgue ricanait dans sa barbe. Le ciel était idéal et la mer divine. Aussitôt que le soleil avait permis de faire une observation, Fourgue s'était trouvé au point qu'il avait estimé. Le vieux renard se réjouissait d'avoir bien conduit, malgré pluie et vent contraire, ses 2 barques vers le port. Le soir, la pointe sud de la Nouvelle-Calédonie allait monter à l'horizon. Demain matin, vers midi, on passerait sous l'île Nou, l'on entrerait à Nouméa. Les 7 hommes empruntés à l'anémone pour former l'équipage n'étaient plus mornes sur le pont du baleinier. De joyeuses bourrades accompagnaient les plaisanteries, les espoirs de Franche-Lippée. Fourgue laissait faire, même à son âme tannée. 4 mois de mer sans escale étaient longue patience. Il contemplait l'anémone, qui, à quelques encablures, glissait ligament sur l'onde bleue. « Bon vieux sabot, » chuchotait-il, « ce n'est pas comme ce baleinier avec ses cocos réfrigérés. Mais que peut bien faire cette bande de loustiques ?» Fourgue, ni son équipage, n'avaient rien pu tirer des 12 rescapés. Sitôt réchauffés et remplumés, ils étaient tombés dans un mutisme infranchissable. À toute question, ils répétaient, comme leçon apprise, l'histoire annoncée par l'homme qui se disait leur capitaine. Cependant, les poings, le langage de Fourgue et de ses matelots possédaient bien des moyens de persuasion. Fourgue avait fait l'impossible pour les employer à la manœuvre, les envoyer dans la mâture et sur les bergues. Au premier essai, leurs pieds s'étaient empêtrés dans les haubans. L'un d'eux était tombé du grand uni à la mer, et l'on avait perdu une demi-journée à le repêcher. Lorsqu'on leur disait de tirer, ils poussaient. Au lieu d'amarrer, ils larguaient. Quant au prétendu capitaine, 1 quart d'heure de conversation avait suffi à Fourgue. Il confondait longitude et avec altitude, savait à peine de quel côté le soleil se levait, et un jour que Fourgue ordonnait de hisser le foc, avait cherché le long du bord où était cet animal marin. Fourgue, dégoûté, avait donc ordonné que ce capitaine d'occasion et sa séquelle restassent confinés dans le poste sans jamais mettre les pieds sur le pont. « Ça leur apprendra à faire les malins, à ces marins d'eau savonneuse, » rageait-il, comme le baleinier l'anémone s'aventurait dans le cheval de Nouméa. Passaient sous le sémaphore et parmi les nombreuses barques, choisissaient joliment leur bordée. « Avant 1 heure, je les refile à la police. Il se débrouillera pour savoir qui je promène. » cultivateur ou musicien, mais pour avoir jamais mis le pied sur l'eau, Bernick. Il n'eut pas besoin d'attendre une heure. Une vedette à vapeur du port de Nouméa se dirigeait sur lui à toute vitesse. Les yeux aigus de Fourgue y distinguèrent un groupe de gendarmes. Dès qu'elle fut à portée de voix, un officier braqua son revolver sur Fourgue et ordonna « Amenez vos voiles immédiatement. Laissez tomber votre ancre où vous êtes, ou je vous brûle la cervelle. » C'était langage étrange aux oreilles de Fourgue. Il n'avait point coutume qu'on le traitât en malfaiteur. Et puis il était deux fois maître à bord, par droit de conquête et de capitaine. « Vous m'embêtez » cria-t-il à l'officier. « Je m'en vais mouiller où je veux, et vous aurez affaire à moi. » Sur un ordre, les gendarmes chargèrent leurs fusils. L'officier reprit. « Jetez l'ancre tout de suite, ou mes hommes font feu !» Enragé, Fourgue laissa tomber ses voiles. Le baleinier perdit son air. L'officier sauta sur le pont, saisit Fourgue au collet. « Ah ! Le sémaphore nous a prévenus. Vous avez un sacré culot de revenir, et cette fois on ne vous lâchera plus. Forçat !» « Vous d'abord, à bas les pattes, je suis le capitaine Fourgue, je commande l'anémone qui me suit, et il vous en cuira, mon petit monsieur l'officier. » Interloqué de cette assurance, l'officier lâcha l'étreinte, jeta un regard circulaire, et vit les sept matelots de Fourgue, un peu farouches, mais narquois aussi, et parfaitement abasourdis. « De qui se moque-t-on » dit-il enfin, sans ton excuse. « Ce baleinier ici que vous ramenez à Nouméa, capitaine, a été enlevé il y a 6 semaines par une bande de forçats qui se sont évadés du bagne pendant la nuit. »« Sarpe-jeu de tonnerre de chien !» éclata Fourgue. « J'ai pensé à tout sauf à ça. »« Eh bien, vous auriez pu leur courir après, avec vos gendarmes, si ce vieux pépère de Fourgue ne les avait cueillis la semaine dernière, au diable bouilli, comme une bande de cancrelats gelant dans une glacière. » « Ça, c'est chic, dit l'officier. On allait me fendre l'oreille pour négligence en service. Et où sont-ils, mes crapauds ? Minute, racontez-moi, c'est trop drôle. » Voilà. Ce baleinier-ci était en armement pour la prochaine campagne de pêche. On avait embarqué quelques vivres et on allait remplir le magasin des bois, les vêtements de mer, quand nos 12 évadés l'ont gagné à la nage pendant la nuit. On a retrouvé sur la côte que leurs effets et chaussures. Ils sont partis en dérive, espérant atterrir en Australie. Mais comment diantre ? « Arrêtez, arrêtez ! Vous me feriez mourir de rire !» dit Fourgue, accompagné par les trépignements de ces 7 hommes. « Je leur pardonne leur sort net pour la beauté de l'histoire. Je vais vous les rendre, vos 12 apôtres. Ohé les gars ! Qu'on aille me les tirer de la ratière, mais surtout déshabillez-les jusqu'au lacet de souliers. Monsieur l'officier, Fourgue vous les restituera comme il les a pris, tout nus. Je leur fais grâce de la nourriture. » C'était l'équipage nu par Maurice Larouille.